Qu'est-ce qu'on aurait pu en jaser pendant deux heures de temps de ton voyage? Je sais même pas compter quand je m'en ai payé une. Qui? Oh! Tu t'en es payé une? Ben, je me dis tant qu'à être là. Cher, pas t'es parti avec 1000$, il fallait que tu travailles pour survivre, puis t'as réussi à trouver du cash pareil d'en payer une. Dans le Red Light ou ailleurs? Ça m'a coûté 150$. Pas cher. Canadien. Une top. Ce que je croyais. Pourquoi? Elle était bien habillée, ben. Écoute. Elle était moulée, puis tu pensais que ça allait être pas pire une fois qu'elle allait se déshabiller. Ou elle avait un pénis quand elle a enlevé ses bobettes. Ah non, regarde ça. Ça, j'aime autant pas poser la question. Ça me passait dans la tête, je me suis dit, crée jamais, je croirais, là. Non, mais je marchais croche en destin après. Ben non, non, elle avait pas de cul à rien, là. Mais je me suis dit, tant qu'elle est là, puis tu sais, je m'en vais fumer un bat, puis vu que je fume pas trop souvent, tu sais, je commence à être comme. OK, ça va bien. Puis là, les hormones dans le tapis. Ben oui, belle. Deux, regarde, trois petites bières à travers. Ouais, neuf. On oublie ça, tu sais, j'étais en feu. Fait que je me dis, tant qu'à être là, pourquoi pas? Maman payer une, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, là, j'ai à peu près le choix. Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit que m'a payé quelque chose, ben quelque chose, quelqu'un, que j'ai jamais eu avant. Tu sais, j'irai pas là pour pogner une blanche. Parce que des filles blanches... Il y en a plein à Québec. Il y en a plein, là. C'est pas compliqué. Fait que là, je me suis dit... C'est facile. Ouais, grand aller à deux heures, tu sors le filet. Ouais. Je me suis dit, bon, une noire ou une asiatique? Ah, oh, asiatique, intéressant. Moi, les asiatiques m'ont tout le temps fait triper. Ouais. Moi, on m'a toujours dit quand j'étais jeune, j'ai su il n'y a pas longtemps que c'est pas vrai, qu'il y avait le vagin à l'envers. Parce que c'était de l'autre bord. Ouais, parce que vu que c'était. C'était de l'autre slot. Il faudrait que tu sois en, plus pour que ça marche. C'est pour ça qu'elle m'a dit de me mettre à l'horizontale tout le long. Ah, c'est pour ça. Mais, fait que je me suis dit, ouais, je vais me payer une asiatique. Ça risque de prendre à peu près 10 minutes. T'as-tu une pause? Ah oui, il faut faire la pause, là. On n'a pas le choix. J'ai dit ça de même. On finit avec ça. On fait une pause, on vient sur Radio Pirate. L'asiatique s'en vient. Monette, compte-nous ça. L'asiatique. Qu'est-ce qui est arrivé? Étais-tu belle? Premier regard, elle était belle? Écoute, au premier regard, j'ai fait à peu près le tour du red light pendant une heure et demie de temps avant de choisir. Et okay? Si, bois, tu voulais, là. Tu cherchais quelque chose, là. Tu magasinais. Bon, ouais, je savais ce que je voulais, là. Puis j'avais une photo dans ma tête, puis je me suis dit, moi, c'est ça que ça me prend. Tu pourras pas dire j'ai pris la première du bord. Non, puis j'ai vraiment cherché. Là, je commençais à dégriser. Fait que là, j'ai dit, faut que j'en pogne une de suite. Oui. Là, parce que ça s'en vient pas beau, là. Fait que, ouais, une asiatique. J'avais déjà vu, elle me regardait. Elle me fait un petit sourire. T'as jamais pensé une fille asiatique avec une jambe en moins? Paul McCartney a déjà pensé à ça. C'est bien excitant. Non, j'ai pas. Un mognon. Yes. Mais j'ai pas vu de côté. On se frotte, c'est un mognon. Pas vu de côté handicapé là-bas, moi. Non? Handicapé d'aller ou quelque chose dans le monde? Ouais, il n'est pas. Ça, on pourrait le partir, par exemple. Ça serait pas pire. On part là-bas, on part tous les deux, puis on se perd une allée d'handicapé. Ouais. Des filles en chaise roulante. C'est pas fou, ça. On pourrait faire Monster Alley. Tout les rescapés des accidents de la vie. Yes, toutes sortes de choses bizarres. N'importe quoi. Une femme à barbe, on fout ça là-dedans, man, puis du poêle partout, puis oui, go, là. Une femme à poêle. Hey, ça serait bon, ça. Ouais. Monster Alley. Ben oui, Monster. Qu'est-ce qu'on fait ici, là? On a ça, on a une à l'hôtel de ville qui pourrait être dedans, là. Monster Alley. Ah, je sais pas qui. On sait, on va pas nommer de nom. Non, on est tellement rendu legit. On est tellement. Gardons. Hein? On est quasiment boring. Donc, là, tu cherches pendant une heure et demie, t'es rendu dans le coin des Asiatiques. Tu sais ce que tu veux, là. Je sais ce que je veux, puis là, je me dis... Bon. Soup wonton, on oublie ça, on veut avoir de la viande. Non. On veut pas que ça goûte le Kleenex. Non, s'il te plaît, pas la petite napkin non plus, là. Non. Fait que j'en choisis une, puis là, je m'approche de la porte, puis là, elle ouvre la porte, puis là, elle me rentre tout de suite en dedans, tu sais, puis elle ferme la porte. Là, je dis, wow, attends une minute, là. Moi, je veux c'est juste combien? Savoir c'est combien, tu sais. Là, tu parles en quoi, en anglais? Ouais, je parle en anglais. Ouais, elle parle en anglais. Ben, ils ont pas le choix. Les Hollandais, ils ont pas le choix d'apprendre l'anglais parce que c'est le seul pays au monde où on parle leur langue. Puis leur langue, autres, c'est tellement petit que si tu te restreins juste à ta langue, ben là. C'est un dialecte de l'allemand, c'est quoi? Ouais, si on veut. Ben, c'est le flamand. C'est le flamand. Comme la Belgique. Encore là, il y a comme quatre types de flamand. Ouais, c'est ça. Parce que tu vas en avoir en Belgique où tu vas avoir un type de flamand qui est différent. De celui de Hollande. Mais, fait que là, je demande en anglais, tu sais. C'est combien, tu sais? Puis là, elle parle. Oh, bon, okay. C'est tenace. Ouais, première chose qui fait débander, quand elle commence à parler. For 30 bucks, for 30 euros, I suck your cock, and for 50, I suck you and you fuck me. Ah, si, moi, c'est très chaleureux. Je suis comme. Ouais. T'as pas envie de te mettre un tableau à la fin? Non, ta minute, c'est le début de la fin, ça. Fait que là, je dis, ouais. Là, je pense, puis je me connais, tu sais. là, je suis excité, là, moi, être en feu, là, puis m'en venir, ça va prendre 5 minutes, elle va me crisser dehors, puis ça va m'avoir coûté 50 euros, tu sais. Puis là, je dis, moi, je veux plus. Je dis, plus longtemps, c'est combien, tu sais. Elle dit, I don't know how much money do you have. Puis là, j'étais comme sacrifice. Elle va faire les poches, là, ce qu'elle a, salope. Ben ouais, ouais, oublie ça, là. J'ai dit, moi, je mets 100 euros, une heure. J'ai dit, tant qu'elle l'essayait, moi, l'essayer comme faut. Elle dit, parfait. Oh. Elle prend mon 100 euros, elle met ça dans sa sacoche. Es-tu belle? Oui, elle était super belle. Oui, oui. Elle est habillée comment, là? Elle a quel âge? Elle a dû avoir à peu près, je dirais, entre 25-30. Elle est super belle, comme, de super, comme on voit les belles asiatiques dans les films de fesses. C'est ça que je voulais. C'est en plein ça. Puis oh, la date, tu vois pas la veuve, les seins, tu ne vois rien. Non, là. Ben, étant son petit G-string. OK. Puis elle a une petite brassière noire. Puis elle se dandine devant la fenêtre. Puis elle te regarde, puis elle fait des sourires. Donc tu peux pas ton cœur à des. Mais t'es sûr de la qualité pareil. Là. Tu vois ben, assez pour dire, ouais, c'est bien. Là. C'est vraiment. Ouais, ouais, c'est des beaux seins, c'était ferme, c'était correct, un beau petit cul, puis c'était comme. That's it. T'sais. OK. Je dis, tant qu'elle en prend une, m'en prend une belle. Fait que. Mais attends, là. Je rentre là, je paye. Fait que là, il y a des escaliers, puis un lit. Avec un lavabo, puis 75 000 produits. Okay. OK. Fait que là, on descend en bas. Fait que là, elle me regarde, puis elle dit OK, take off your clothes. Oh, si, ouais, oh, la matrone. Là, elle me dit enlève ton linge, puis elle dit va le mettre en haut, là-bas. Fait que moi, je remonte les escaliers tout seul, en avant du rideau fermé. Je commence à me déshabiller. Là, je dis waouh. Il semble qu'il manque quelque chose. Là. Le mot romantique, pour moi, c'est non, pas du tout. Là. Tout est fret. Tout est fret. T'sais. Là, je suis comme OK. Fait que là, je suis en haut des marches, je tapouelle. T'sais. Peux-tu bander? Ben, s'il vous plaît. T'sais, y a-tu moyen de faire quelque chose? T'sais? Fait que là, elle me dit lay on the bed. La matrone qui parle. Sacrement, ça me faisait penser à mon prof de français. Hey, tu dis Chris, j'ai crissé ma blonde du pays à couper dans le cul parce que t'es de même. Tu commenceras pas à me. Non, ma blonde était bien moins pire que ça en plus. m'a l'air cherché. Imagine-toi, tu l'as crissé dehors, bon, moins tu payes, puis là, tu me donnes une qui te bosse. Ah, c'est pas beau, là. Fait que là, je dis, coudon, tu viens d'où, toi? Elle me dit, les Philippines. Là, j'ai comme fait les Philippines. Bon, OK, c'est à côté, là, mais moi, je voulais une Chinoise de la Chine ou une Japonaise du Japon. Oh, ouais, je voulais pas une des îles autour, là. Fait que là, je fais, hostie, elle vient de me pogner 150 pièces. En tout cas, fait que... Toi, tu voulais manger Sichuanais, tu voulais pas manger, là... Non, non, à un moment donné, pas un dérivé. Non, pas un dérivé, pas du pâté chinois, le Sichuanais. C'est ça, c'est en plein ça. Moi, je voudrais la vraie affaire. La vraie affaire. Mais, fait que là, elle me dit, couche-toi sur le lit. Fait que là, je suis couché sur le dos. OK. Fait que là, bon... Fait que là, elle s'en vient à côté de moi, puis là, elle me caresse un peu, puis là, elle commence à me crosser tranquillement, tu sais. Bon, OK. Fait que là, elle commence. Une minute, deux minutes, trois... Là, je lui ai demandé, Chris... La cloche ne collait pas. Là, un moment donné, je me dis, non, mais là, ça va faire, là. Je veux dire, un moment donné... Mais là, dans ta bouche. Tout va sortir, faites quoi, tu sais. Fait que non, elle m'a fait venir de même à la main, là. Là, j'étais comme, une chance, j'ai payé une heure. Sinon, elle m'aurait foutu dehors après, là. Parce que quand tu payes 50 euros ou 30, tu viens une fois, pas te fous dehors. Merci, t'sais. C'est fini. Là. Ouais. Fait que là, je suis assis, je suis couché sur le lit, tout le kit. Elle commence à me masturber. Là, un moment donné, je viens, puis là, c'est le bordel total. Là, elle a ses mains un peu. Okay? Ouais, okay. Ah! Ah! Ah! Ah! Les maladies! Ah! Ah! Ah! Là, elle se lève, elle ouvre les champleurs. Ah ouais, la Jax, puis tout, puis elle se met à se frotter les mains. Ouais, voyons! Elle le lèche pas? Non. Non, mais il y a rien, là. Ce n'est qu'une machine. La seule raison pourquoi je vous le compte, c'est que d'un, je trouve ça drôle, puis de deux, si vous allez à Amsterdam, ne perdez pas votre temps. Ne payez jamais pour ça. Payez jamais pour ça. C'est la première fois de ma vie que je me payais une pute. Okay, allez, sa grande allée, c'est 0$. Ça ne coûte rien. Au pire, ça va coûter une petite bière juste pour la remettre pompette après. Yes, là. Exact. That's it, là. Mais, ah ouais, puis elle se lave, puis elle dit, va te laver, puis là, je me lève, puis là, je me suis accueilli. Puis il lèche tout, sa grande allée. Ouais, au moins, il avale sa grande allée. Yes. Mais là, non, absolument rien, là. Fait que là, après ça, elle me dit... Les gars me font signe qu'à Val-Cartier, c'est pareil aussi. Ouais. C'est même comme Amsterdam ou comme ici, à Québec? Comme à Québec. OK, comme à Québec. Tout est clean. Ah ouais. Tout est propre. Yes. Mais, ah non, mais regarde, oublie ça, là. Il n'y a rien à faire avec eux autres, là. Ouais, mais là, t'avais quand même le temps de te recrinquer puis de profiter du reste. L'as-tu pénétré? Ben oui, finalement. Ben oui, là, après 5 minutes de lavage intense, là, je pense qu'on a passé un rouleau du Scott Towel dans le temps de le dire, là. Ah ouais, non, mais désagréable, c'est ça. Alors, c'est vraiment. Mais non, mais tu sais, c'est vrai. En tout cas, c'est très bizarre. Fait que là, elle me dit, lay on the bed, là. D'accord. Mais non, mais c'est matrone. Fait que là, j'étais comme, voyons, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, c'est. Fait que là, OK. Fait que là, commence. Fait que là, elle commence à me faire une pipe, tu sais, mais avec le condom, tout. Là, c'est. J'ai jamais eu une place de plus safe que ça. Je n'ai jamais eu, je pense, une relation sexuelle aussi sécuritaire que ça dans toute ma vie. Je pense, je me suis jamais lavé autant. Trop. Too much. Trop. Ah ouais, mais là, j'étais quasiment. Là, écoute, on cherchait l'eau de Javel, là, tu sais. Puis, fait que là, elle se met sur moi, OK? Elle s'assit sur moi. Fait que là, je la pénètre toute. Puis là, elle me colle, tu sais, ses mains autour de mon cou. Puis elle me frotte ses joues sur mes joues. Là, je dis, qu'est-ce que tu fais là? What the fuck are you doing? Ben ouais. Je dis, what the fuck? Non, bitch, ça, il non, faut pas dire. Ben, je, il me restait quand même une demi-heure. Sans un gun, non, c'est ça. non, ça, les 15 piastres, 50 ouais. piastres, 50 euros, ouais, mon père. Je peux-tu nourrir pour mon argent, ouais. tu sais? Fait que là, je suis à la face. Beautiful. Yes. Fait que là, je dis, ouais, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Fait que là, elle me dit, oh, sorry, I can't kiss you because today I suck too much cock. Ah! Elle a trop sucé de pénis! Aïe, aïe, aïe! Ah, si, boire, elle sent le chien! Même, je pars à rire. Mais une rire de même, j'ai jamais vu ça, pis je capote. Pis en plus, je sais pas si. Elle a trop sucé de batte! Ouais! Mais voyons une donc! Une fermentation de sperme buccal! Mais ça a pas d'allure! Mais c'était pas beau, là! C'était crissement pas beau! Oh. Là, un moment donné, veut pas, bon, ben, ok, c'est correct, tu sais, pis. Là, je viens pour la deuxième fois, elle est assise sur moi. Puis là, je sais pas moi si les gars c'est de même, là, mais moi ça m'a jamais turné on, moi, des bruits d'animaux. Là. Non. Non, hein? Non. Fait que je suis le bord de venir, puis là, elle sait que je viens. Fait que là, elle se colle sur moi, elle me serre, puis elle fait des. Non, elle fait la tigresse. Elle fait le félin, là. Elle fait pas Louis Titi, là. Mais non, mais félin, il manquait une coupe de pâte, là. C'était pas beau, là. T'sais, c'était comme, ah ben, tabarnane. Fait qu'après parce ça. Parce qu'elle, elle vient pas, c'est sûr qu'il y a plus rien qui l'excite, là. Non, gars. Elle mouille pas, ça se met un stuff. Ben, écoute, juste avant que je la pénètre pour la première fois, elle KY, il y a une batch, puis. Pff, ah ouais, elle se met ça là-dessus, puis elle se robe, puis ah ouais, ça rentre one shot, là. Fait que c'est comme merci, bonsoir, là. Mais attends. T'as pas le côté finis. Intéressant du tête, là, quand ça. Non, pas du tout, là. C'est le côté l'impassé de pas un bout, là. Ah ouais, puis tu peux pas faire n'importe quoi non plus, là. OK. Tu sais, tu peux pas te permettre. Dans le derrière, oublie ça. Non, oublie ça. Okay. Ça, oublie ça. Si jamais tu vois qu'elle est mouillée, tu peux pas y cracher dessus. Là. Ça, je suis plus sûr. Pour la relation anale, aurait probablement fallu que tu négocies dès le départ. Attends. Ouais, mais là. On est plus sûr qu'on veut non mais plus. Non, mais écoute, après la deuxième fois, là, je me suis dit, là, je pense m'en partir. Je pense m'en aller. Puis je lui ai dit, bon, on va rester jusqu'à la fin. T'sais. Fait qu'elle m'a fait un massage. OK? Le pire massage que j'ai jamais eu de ma vie pendant 15 minutes. Oh. Puis là, j'ai dit après, ben, il me reste 15 minutes. Elle dit, OK, now you're gonna fuck me. Je dis bon, c'est correct. Fait que là, elle dit, hang on a second. Elle dit, attends une minute. Fait que là, écoute, elle se lève. Pis là, il y a le lavabo. Puis là, elle s'assit le cul sur le lavabo. OK? Juste en haut du lavabo. Ouais. Tu sais? À part la chambleur, elle dit, hang on, I have to wash my pussy. Elle dit, attends une minute, faut que je me lave la plotte. Ah, ouais. Fait que là, elle pogne le savon, là. Puis là, elle me regarde, puis là, elle se frotte. Elle frotte. Avec le savon, là. Moi, je suis assis sur le lit. Elle est assise. C'est très agacé. Elle est assise sur le lavabo. C'est excitant à mort. Écoute, man, je n'ai jamais vécu une expérience aussi. Je suis sorti, j'avais le goût de retourner pour le fun, tu sais. Mais fait que là, elle se lave. Fait que là, elle se lave au complet, là, pendant 5 minutes. Puis là, les essuie-tout. Les minutes passent, là. Ouais, puis j'ai payé pour, tu sais. Ouais. Fait que finalement, après, je dis vire-toi de bord, là, je l'ai fourré, puis je suis parti. Ça a été mon expérience. Es-tu revenu une troisième fois? Oui. OK. Oui. Si, ouais. Ça donc ça donne pas le goût pantoute de allez jamais vous en payer une. Jamais. Pas du tout. Moi, je l'ai fait parce que je sais qu'en revenant, j'étais pour raconter mon expérience puis c'était pour aider les gens. Donc, je me suis un peu sacrifié. Oui, t'as bien fait. Ouais. T'as bien fait. Ouais. Fait que, oublie vas-tu ça. Pouvoir raconter ce genre d'histoire-là à ta nouvelle station de radio où tu seras Morning Man bientôt? Ben, c'est le fun parce que je sais que mon boss, il écoute. Francis Morin, il écoute. OK. Il a peur, là. Là, il est plus sûr. Ben là, non, il est assez cool. Francis, il est cool. Il est cool, puis on voit les affaires pas mal dans la même direction aussi. Okay. Je peux pas dire que cette histoire-là m'a peut-être la compté straight pipe de même la première journée, là, Mais je le travaille tranquillement. Là, OK.